إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va commencer aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication du livre Mu'amalat al-Hukam fi daw al-kitab wa sunnah, et on était arrivé au point attendez laisse-moi vous dire à chaque fois j'oublie au chapitre numéro 3. Et là, on était dans les questions des droits du dirigeant. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, les droits du dirigeant et les droits du peuple. Hein, les droits du dirigeant et les droits du peuple. On a mentionné 10 droits du dirigeant, maintenant on a 10 droits du peuple ou de la population. Hukuk al-ra'iyya al-ashra al-sultan. Donc on a mentionné au dernier cours jusqu'à 5, on a mentionné 5 droits de la population que le peuple a sur le dirigeant. On est rendu au droit numéro 6, al-haqq as-sadis iqamat al-hudud al-shar'iyya ala ash-shurut al-mar'iyya siyanatan li maharim Allah an at-tajarru' 'alayha wa li huquq al-'ibadi عن التخطي إليها ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع والشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع ويتركون الشريف. وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. Donc ça c'est le sixième droit, c'est-à-dire l'application des peines légales dans la charia selon les conditions, hein, selon les conditions. Et donc ça c'est une des responsabilités, des devoirs du dirigeant musulman, contrairement à ce que pensent ou ce que font les khawarij. Ils pensent que n'importe qui peut établir les peines et n'importe comment, ou bien que même si quelqu'un n'est pas le dirigeant de l'État ou du pays, il peut se permettre, du moment qu'il est chef d'une jama'a ou chef d'un groupe, d'appliquer des peines ou de punir ceux qui commettent des crimes dans la population. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une source de désordre et de chaos sur la terre. Parce qu'ils pensent qu'ils ont le droit de couper la main des voleurs, de lapider ceux qui font l'adultère, ou bien de tuer les apostats ou des choses de ce genre. Et ça, c'est clair que lorsque chaque groupe prétend se donner ce droit-là ou veut se donner ce droit-là, eh bien, ça fait que ça fait toutes sortes de désordres et de corruption dans la société. Et il y a une époque où dans certains pays, c'est ça ce qui s'était passé. Et Allah musta'an, yani beaucoup de désordre. Et c'est ça ce qui se passe dans certains pays maintenant. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est ça ce qui se passe avec Daesh, c'est ça ce qui s'est passé avec Al-Qaïda, c'est ça qui s'est passé avec beaucoup d'autres groupes. Et ça, c'est bien entendu quelque chose qui est, hein, qui est une source de beaucoup de désordre. Surtout que maintenant, avec le groupe de Daesh, les Khawarij de Daesh, ils filment ça, hein, ils font des montages vidéo, puis ils distribuent ça maintenant sur Internet. Et donc, en plus de ça, donc ils font faire paraître les musulmans comme des... ils donnent une mauvaise image aux musulmans à cause de ça, comme si l'islam c'était de faire des actes de sauvagerie comme ça. Comme l'exemple du pilote qu'ils ont brûlé là. On a parlé de ça, on a mentionné les preuves que ça c'est pas permis. Donc tout ça c'est contraire à l'islam. Dans l'islam c'est le dirigeant et c'est responsables qui établissent les peines dans l'islam, dans les pays musulmans. Et les peines islamiques sont appliquées après que la personne qui est accusée ou qui est accusée d'un crime soit jugée devant le juge et qu'on ait établi avec les preuves que la personne est coupable. Une fois que ça a été établi, c'est là qu'on va décréter le jugement que la personne mérite cette punition-là. C'est pas des gens qui se mettent ensemble dans la rue puis qui décident, ça y est, on va appliquer les peines sur un tel ou un tel. Et les chrétiens, souvent, ils ont oublié cette partie de leur religion, et les juifs aussi, parce que dans les livres des juifs et des chrétiens, il y a plein d'exemples de peines, hein, et de punitions qui ont été prescrites dans l'Ancien Testament, dans la Torah, et on retrouve des exemples de ça, même que j'ai écrit un texte là sur mon site, il est disponible, qui s'appelle « Les versets oubliés par les juifs et les chrétiens », et qui mentionne donc toutes sortes d'exemples de peines islamiques. En fait, c'est des peines qui existent dans leurs livres, mais qui sont présentes également dans l'islam. Il y en a un, les versets oubliés. Donc, si tu vas sur le site là, tu vas le trouver. C'est comme si les juifs et les chrétiens, ils ont délaissé ces versets-là. Pour les chrétiens, je comprends, parce que c'est des gens qui ont déformé déjà beaucoup de choses dans la religion, et les juifs aussi, mais sauf que les juifs, ils prétendent s'accrocher plus à la Torah. Donc on aurait pensé que les juifs allaient s'attacher plus fortement à certaines règles. Pourtant, même eux, ils les ont déformés aussi. Et ils ont interprété les choses d'une autre façon. Donc on pourrait penser que c'est à cause du fait qu'ils n'ont pas vraiment eu un état, excepté à l'époque de Suleyman et Daoud, à certaines époques comme ça, mais sinon, après ça, ils ont toujours été éparpillés un peu partout. Donc ils n'avaient pas vraiment la possibilité d'établir les peines de la Torah et les règles de la Torah. Mais sinon, les règles sont là, clairement écrites dans l'Ancien Testament. Donc si quelqu'un veut les lire, il peut soit aller voir directement dedans pour vérifier, ou bien aller lire dans le texte que j'ai écrit sur mon site pour voir. Ben, je suis en train de chercher là. Ah oui, j'ai juste écrit les versets oubliés. Et puis je suis tombé direct dessus sur Google, donc si tu écris les versets oubliés, tu vas les trouver. Donc les peines pour le shirk, les peines pour les individus qui commettent le shirk, les peines pour les villes qui commettent le shirk, la destruction des idoles, la punition du blasphème, les peines corporelles, les lois du talion, couper la main, les peines pour les homosexuels, les peines pour les gens qui font la bestialité, pour l'inceste, pour l'adultère, l'interdiction du porc. En tout cas, toutes sortes d'exemples sont mentionnés là-dedans. Donc, vous pouvez aller voir ça. Donc, eux, ils critiquent les musulmans, là. Ils disent, ah, vous, les musulmans, vous avez ça, ça, ça. Si tu regardes dans leur livre, là, il y a la même chose et pire encore. Allah musta'an. Donc, le cheikh, il dit, on doit protéger les interdictions d'Allah, dans le sens de protéger les gens de pour qu'ils ne tombent pas dans les choses que Allah a interdites, et pour pas qu'ils dépassent les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à cause des droits aussi des serviteurs, pour pas que les gens se permettent de transgresser les droits des autres. Comme par exemple, pour pas permettre que quelqu'un vienne voler les biens des autres, ou faire du tort aux autres, attaquer ou atteindre l'honneur des autres, pour établir également les peines de façon équivalente et égale entre le fort et le faible, entre la personne noble et la personne simple. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui ont vécu avant vous ont uniquement péri parce qu'ils établissaient les peines sur les pauvres ou sur les faibles, mais qu'ils laissaient les nobles. Quand c'était un noble qui vole ou qui fait un crime quelconque, on n'appliquait pas la peine sur lui. Mais les faibles, on appliquait la peine sur lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre ça, et il a dit, yani c'est ça ce qui a fait périr les peuples qui ont vécu avant vous. Et il dit, je jure par Allah que si ma propre fille Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle avait volé, eh bien j'aurais coupé, Muhammad aurait coupé sa main. Moi-même j'aurais coupé sa main. Donc c'est pour dire que c'est pas quelque chose qu'on prend avec les sentiments, avec les émotions, ou bien parce qu'on a des liens de parenté avec la victime, avec le coupable, donc on veut pas appliquer la peine sur le coupable, ou ainsi de suite, ou bien parce que le coupable plutôt fait partie des nobles, des gens riches, des gens respectés dans la société, donc si on applique la peine, ça va mal paraître. Et justement, il y a quelqu'un à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait volé, c'était une femme, hein, une femme qui s'appelait Fatima, justement. Et elle était noble. Et il y a des sahaba qui sont allés voir Usama ibn Zayd. Les gens savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aime beaucoup Usama ibn Zayd. Usama ibn Zayd, c'est un sahabi et c'est le fils de Zayd. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Donc les gens sont allés le voir, puis ils ont dit, écoute, toi, si tu vas aller parler avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il va t'écouter. Va intercéder pour cette femme, parce qu'elle est noble, elle fait partie de Quraysh, et ainsi de suite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il a dit, même si c'était ma propre fille qui avait volé, je lui aurais coupé la main. Alors après, Usama ibn Zayd, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, est-ce que tu essaies d'intercéder dans une des peines parmi les peines d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors Usama était pas content, il était fâché que les gens l'avaient poussé vers l'intercession pour cette femme, parce que en voulant dire comme, vous m'avez mis dans une position dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère contre moi à cause de vous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère contre moi parce que vous m'avez poussé à faire quelque chose qui est pas bien. Donc on n'a pas le droit d'intercéder en faveur d'une personne dans les peines une fois que le jugement a été fait et a été établi. Le droit numéro 7, al-haqq as-sabi', jibayat az-zakawat wal-jizya min ahliha wa amwal al-fay wal-kharaj 'inda mahalliha وصرف ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية وضبط جهات ذلك وتفويضه إلى الثقات من العمال. Donc le cheikh, il mentionne parmi les droits également le droit numéro 7, c'est-à-dire d'aller récolter ou rechercher les zakat des gens, dans les bétails et dans les récoltes et ainsi de suite. Et d'aller récolter aussi la jizya. Et la jizya, c'est l'argent que les gens du livre qui vivent parmi les musulmans doivent payer lorsqu'ils refusent d'accepter l'islam. Et à moi, l'ulfay. Al-fay, c'est l'argent aussi qui est pris chez les koufars qui sont en guerre contre les musulmans en dehors du combat. Al-fay, c'est les biens qui sont pris chez les koufars qui sont en guerre contre les musulmans sans combat. Lorsque un pays est en guerre contre les musulmans et que les musulmans dérobent des choses de leurs biens sans combat, ça s'appelle al-fay. Et ça, c'est qui est-ce qui est responsable de distribuer ces choses-là? C'est le dirigeant. Aujourd'hui, les Khawarij, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont chez les Kuffars, ils sont rentrés avec aman, c'est-à-dire avec sécurité, avec un visa. Maintenant, ils disent, ils font des fatwas pour essayer de dire, on a le droit de voler chez les Kuffars. On a le droit de prendre qu'est-ce qu'on veut, parce que ça, c'est fait. Hein? Ou ça, c'est une ranima, c'est le butin. Alors que ça, c'est du vol, hein? Clair et net. Et l'islam interdit le vol, que ce soit de voler les musulmans ou de voler les koufars. Pas de différence. Mais c'est des gens qui sont des traîtres et des menteurs, des hypocrites. Donc les khawarij, ça, c'est leur caractéristique. Ce sont des gens du radar. Les gens de la traîtrise et de la trahison et du mensonge. Ils ont les caractéristiques des munafiqines. Et donc, ils se permettent de voler et de prendre les biens des koufars et ainsi de suite. Et puis après, ils disent, ça c'est al-fay. Déjà, al-fay, c'est le dirigeant qui doit le prendre. Il doit être remis au dirigeant, c'est lui qui le redistribue. Eux, non, ils le prennent, ils le mettent dans leur propre poche. Hein? Allah Moustan, vraiment des criminels. Non, on ne donne pas la zakat à un imam d'une mosquée. On donne la zakat à ceux qui méritent la zakat, c'est-à-dire les pauvres. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir les responsables, c'est-à-dire tu vois les gens qui sont pauvres, qui ont besoin d'argent, puis tu leur donnes la zakat. Oui, c'est correct. C'est correct si tu connais pas quelqu'un, tu le donnes à quelqu'un d'autre qui peut le donner à ta place. Mais le mieux, c'est de le donner toi-même. Oui. Et donc c'est ça. Les zakats, surtout qui sont récoltés, en général, c'est les zakats de bétail et les zakats des récoltes quand il y a des fermiers ou des gens qui ont des fermes, des choses comme ça, parce que c'est plus difficile, tu vois, aller récolter, puis... Non, mais si c'est l'argent, quelqu'un il a un commerce ou il a de l'argent, il peut donner sa zakat lui-même, il n'y a pas de problème. Mais s'il la donne aux dirigeants, c'est correct aussi. Tu vois, c'est correct. Mais par contre, de les donner aux responsables des mosquées ou dans les mosquées, c'est pas quelque chose de recommandé en fait. Cheikh Al-Fawzan, il a parlé de ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que tu peux utiliser la zakat pour payer des écoles, payer construire des écoles, construire des mosquées, payer l'électricité des mosquées, faire des trucs comme ça. Alors qu'en réalité, la zakat, c'est pas fait pour ça. En fait, il y a 8 catégories de personnes qui méritent la zakat et parmi eux, les premiers, c'est al-fuqara ou al-masakin. Donc, ça commence par les pauvres, et c'est pour les pauvres, pas pour payer les construire des mosquées ou des choses de ce genre. Il y a des machers qui ont parlé de ça. Ensuite, Cheikh, il dit donc c'est ça. Il faut veiller à ce que l'argent soit distribué et dépensé dans les choses légales par rapport à aux choses qui ont été établies par la charia. Tu donnes la zakat et tu donnes le butin doit être donné à ceux à qui ça a été, pour qui ça a été désigné par la charia. Et les instances responsables de ça, eux, ils sont responsables de le donner là où Allah subhanahu wa ta'ala a agréé que ce soit donné. Et tout ça, le dirigeant, il est responsable. Il a une responsabilité par rapport à ça. Et également, il a la responsabilité de mettre en charge certains employés pour travailler dans ça. C'est-à-dire aller chercher la zakat, hein, et la ramener. Le droit numéro 8, « An-nazaru fi awqaf al-birri wal-qurubat » وصرفها فيما هي له من الجهات وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات. Donc un des droits du dirigeant aussi, c'est de s'occuper de qu'est-ce qu'on appelle al-awqaf, awqaf al-bir. Qu'est-ce que c'est awqaf al-bir? Awqaf al-bir wal-qurubat. Al-awqaf, c'est lorsque des gens veulent léguer des choses fi sabilillah, c'est-à-dire pour la cause d'Allah, pour la cause de l'islam, pour aider les pauvres, pour aider les choses de bienfaisance. Donc ils vont dire par exemple, ils vont dire, bon, moi j'ai un commerce, ou j'ai un immeuble, ou bien j'ai une compagnie, ou bien j'ai des arbres fruitiers, ou bien j'ai n'importe quoi, des choses comme ça. Mais moi, après ma mort, je veux que cet immeuble ou cette chose soit mawquf, yani que ça fasse partie du waqf, et que les profits qui sont tirés de ce waqf soient utilisés pour s'occuper des choses des musulmans, soit de s'occuper des mosquées, de s'occuper de la da'wa, de s'occuper de ci et de ça. Tu vois? Donc ça, c'est ce qu'on appelle al-awqaf. Donc ça, c'est un des moyens parmi les moyens que lorsqu'on l'utilise, on n'a plus besoin de par la suite de s'occuper de d'autres choses. Si quelqu'un dit par exemple, bon, moi j'ai un commerce, je le donne en waqf, fi sabilillah, waqf, waw, qaf, fa, waqf. Et le pluriel, c'est awqaf. Donc, il y a beaucoup, même si vous regardez par exemple à Mecca maintenant, ils ont bâti dernièrement un immense hôtel avec centre d'achat et tout et tout et tout. C'est très très très haut. Avec au-dessus de la tour, il y a une horloge. En verre. Si vous regardez en haut de cette. À l'entrée de cet immeuble, sur le bâtiment, c'est écrit Awqaf al-Haram. C'est-à-dire, ce bâtiment fait partie des Awqaf. C'est-à-dire que tous les profits qui sortent de cet immeuble, que ce soit la vente, la location, et les profits de tout ce qui sort des revenus de cet immeuble, vont pour s'occuper du Haram et des dépenses du Haram. Et de l'entretien de Al-Haram. Oui. Donc, ça c'est un exemple de Awqaf. Et il y a plein de Awqaf comme ça dans les pays musulmans. Hein? Il y a des écoles comme ça qui sont entretenues, et des centres, et des mosquées et tout, uniquement avec les Awqaf. Hein? Non. C'est-à-dire, oui, c'est sûr que quelqu'un, par exemple, il peut pas donner plus que le tiers de son argent pour une wasiya, hein. Mais pour le waqf, Allahu a'lam. Wallahi, peut-être, comme tu dis, si ça a rapport avec l'héritage, s'il a des héritiers, est-ce qu'il a le droit ou non, Allahu a'lam. Mm-hmm. Si la personne n'a pas d'héritier ou des choses comme ça. Ouais, non, c'est possible. Mais bon, de toute façon, c'est juste pour dire que ça fait partie de les responsabilités du dirigeant. Puis de voir où est-ce qu'il doit la mettre, où est-ce qu'il doit dépenser l'argent du waqf. Dans quel projet, dans quelle chose. Aussi, il a une responsabilité de construire des ponts. de construire des ponts à des endroits où la traversée est difficile, et aussi de faciliter la circulation par les routes et les chemins. Tout ça, ça fait partie des responsabilités du dirigeant. والحق التاسع le neuvième droit, النظر في قسم الغنائم وتقسيمها وصرف أخماسها إلى مستحقيها. Donc là maintenant il parle des butins. Donc il a la responsabilité de prendre le butin et de le diviser et de le distribuer et de donner un cinquième du butin à ceux qui le méritent. Pour ça, les musulmans, ils n'ont jamais eu besoin de charger des taxes à la population. Ce n'est pas permis dans l'islam de faire payer à la population des taxes. Ça, c'est quelque chose que les koufars de l'Occident, ils ont amené, d'autres, pas juste l'Occident, l'Orient aussi, charger des taxes à la population. Dans l'islam, on ne charge pas de taxes à la population. Hein? C'est haram. Comment les koufars ils disent tout le temps, mais dans ce cas-là, comment vous allez faire pour vous entretenir les routes, les aqueducs, les trucs comme ça, tu vois. Mais avec les awqaf, avec les, hein, les trucs comme ça, yani, avec les ranaim, avec les toutes les autres revenus, hein. Pas besoin de prendre l'argent injustement de la population. Et le point, oui. Ouais. La même chose. Mais oui, al-mukus ça s'appelle. Les taxes douanières, c'est pas permis non plus. Oui, c'est ça. Mais c'est pas permis de charger, de faire payer à la population des taxes. Et il y a des paroles des ulama sur ça. Donc, al-haqq al-ashir, c'est le dernier. Inch'Allah, on va terminer avec celui-là. Al-adlu fi sultanihi wa suluku mawaridihi fi jami'i sha'nihi. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا وفي كلام الحكمة عدل الملك حياة الرعية وروح المملكة فما بقاء جسد لا روح فيه. Donc il dit que le dixième droit de la population c'est que le dirigeant soit juste. Et donc il doit faire preuve de justice dans toutes ses affaires. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Allah certes ordonne la justice et la bienfaisance. Et il dit, et lorsque vous parlez, ou lorsque vous dites quelque chose, alors soyez juste. Et dans la parole, dans le proverbe, on dit, la justice du roi est la vie du peuple et l'âme du royaume. Et comment le corps pourrait vivre sans âme? فيجب على من حكمه الله تعالى في عباده وملكه شيئا من بلاده أن يجعل العدل أصل اعتماده وقاعدة استناده لما فيه من مصالح العباد وعمارة البلاد لأن نعم الله يجب شكرها وأن يكون الشكر على قدرها ونعمة الله على السلطان فوق كل نعمة فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكر وأفضل ما يشكر به السلطان لله تعالى إقامة العدل فيما حكمه فيه وقد اتفقت شرائع الأنبياء وآراء الحكماء والعقلاء أن العدل سبب لنمو البركات ومزيد الخيرات وأن الظلم والجور سبب لخراب الممالك واقتحام المهالك ولا شك عندهم في ذلك. انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit que donc il est obligatoire donc à celui à qui Allah a donné le pouvoir sur les serviteurs et lui a donné le pouvoir sur eux dans son pays, qu'il fasse de la justice la base et le fondement de son pilier, la règle sur laquelle il se base. Parce qu'il y a dans cela tous les bienfaits pour les serviteurs, et c'est ça qui va faire que son pays va bien vivre, va être en vie. Et c'est une des grâces d'Allah qu'il est obligatoire de remercier, pour lesquelles il faut remercier Allah. Et il faut que ce remerciement corresponde à cette grâce-là. Et donc, la plus grande grâce, c'est la grâce du dirigeant. Et elle est au-dessus de toute autre grâce. Et donc, il est obligatoire que le remerciement et la reconnaissance envers cette grâce-là soit de la plus grande forme de reconnaissance. Et la plus grande forme de reconnaissance possible, yani pour le dirigeant, c'est d'établir la justice. C'est d'établir la justice dans ceux sur qui Allah lui a donné le pouvoir. Et tous les prophètes, dans les révélations qui leur ont été révélées, et dans les opinions des hommes sages et raisonnables, ils ont tous été d'accord sur le fait que une des causes pour l'augmentation des bénédictions et l'augmentation dans le bien, c'est la justice. C'est la justice qui est une cause là-dedans. Tandis que l'injustice et la tyrannie, c'est une des causes pour la destruction des royaumes et que les gens tombent dans la perdition par la suite à cause de ça. Il n'y a pas de doute à leur sujet sur ça. Quelle partie? Une des causes pour la perdition, la destruction des royaumes. Tu vois, l'injustice, c'est une cause de la destruction. C'est ça que ça veut dire. Et la justice, c'est une des causes de l'augmentation des bénédictions. Et que les gens sont dans plus de bien, des bonnes choses. Al-khayrat. Donc quand tu regardes ça, tu vois, parce que souvent les gens, quand on leur dit, il faut écouter et obéir le dirigeant, même s'il est injuste, ils pensent que ça veut dire que nous, on défend l'injustice. Parce que quand ils voient, par exemple, qu'il y a un dirigeant injuste, nous, on dit aux musulmans, écoutez, obéissez, même si le dirigeant est injuste, même s'il frappe votre dos, même s'il vole vos biens. Ils pensent que, eux, ça veut dire que, dans ce cas-là, nous, on aime l'injustice et on est d'accord avec l'injustice. Non, c'est pas ça ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que s'il y a un dirigeant injuste, faites preuve de patience, écoutez et obéissez, pour qu'il n'y ait pas justement du désordre, du chaos et de la corruption plus encore. Parce que déjà, s'il est injuste le dirigeant, que vous rajoutez là-dessus, là ça va être pire encore. Mais sinon, nous les musulmans salafis, alhamdoulilah, on aime la justice et on défend la justice et on déteste l'injustice. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit l'injustice. Il a dit, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. Mes serviteurs, je me suis interdit à moi-même l'injustice et je l'ai rendue interdite entre vous. Alors ne faites pas d'injustice entre vous les uns les autres. Et Allah subhanahu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-zulm, ça c'est pas un verset, c'est un hadith. Naam. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, الظلم ظلمات يوم القيامة. C'est-à-dire l'injustice, c'est des ténèbres au jour de la résurrection. Donc personne aime l'injustice, mais il faut savoir une chose, c'est que des fois, s'il y a de l'injustice, la meilleure façon de la repousser, cette injustice là c'est en obéissant à Allah et en faisant des repentances et de demandant pardon pour nos péchés et non pas en désobéissant à Allah et à son messager et en faisant plus de désordre. Donc souvent l'injustice du dirigeant c'est une punition pour les péchés des serviteurs à cause de leur transgression. الفصل الرابع في وجوب السمع والطاعة في غير معصية. Donc le quatrième chapitre dans ce livre s'intitule l'obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants dans autre que la désobéissance. Donc le cheikh il dit السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. Donc il dit que l'écoute et l'obéissance des dirigeants musulmans dans autre chose que le péché, c'est-à-dire quand ce n'est pas un péché qui nous ordonne, c'est quelque chose sur lequel tous les musulmans d'Ahl Sunnah al-Jama'a sont d'accord, sont tous réunis sur cette obligation-là. Et ça fait même partie des fondements, parmi les fondements d'Ahl Sunnah al-Jama'a, par lesquels ils se sont distingués des gens de la bid'a et des gens de la passion. Donc, il faut comprendre ça très, très clairement. Vous allez trouver que les gens de bid'a, ils sont tous en opposition avec les gens de Ahl Sunnah al-Jama'a, as-Salafiyyun, sur cette question-là. Et il dit وَقَلَّ أَن تَرَى مُؤَلَّفًا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وظلموا وإن فسقوا وفجروا. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh pardon le cheikh Abdul Salam, il dit et tu trouveras pas ou presque pas, ou c'est très peu que tu verras un auteur ou quelqu'un qui a écrit au sujet de la aqidah d'Ahl Sunnah, excepté qu'il va mentionner textuellement l'obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants musulmans, même s'ils font de l'injustice, même s'ils font de la tyrannie, même s'ils font de la perversité, et même s'ils font des péchés, même s'ils sont des grands pécheurs. وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرماني صاحب الإمام أحمد حيث قال في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يدا من أو لا تنزع يدا من طاعته ولا تخرج عليه بسيف حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ولا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكث بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. انتهى كلامه. Et donc le cheikh il dit qu'il a été le consensus, l'ijma' a été rapporté à ce sujet par les imams des salafs et entre autres un des imams des salafs qui s'appelle Harbun al-Kirmani qui était un des compagnons de l'imam Ahmad ibn Hanbal lorsqu'il a dit dans l'Aqida qu'il a écrit et qu'il a transmis de la part de tous les salafs. Il a cité ça dans la Aqida qu'il a rassemblé. Il dit la soumission à celui à qui Allah a donné le pouvoir sur vos affaires, ainsi que de ne pas retirer votre main de son obéissance et de ne pas sortir contre lui avec l'épée jusqu'à ce qu'Allah vous donne une délivrance et une issue. Et tu ne sors pas contre le dirigeant, tu écoutes et tu obéis, et tu ne brises pas son allégeance. Tu ne brises pas ton allégeance envers lui. Celui qui fait cela, c'est-à-dire celui qui brise son allégeance et qui sort contre lui, alors c'est un mubtadi', c'est un innovateur. Mukhalifun lil jama'a, c'est-à-dire il est en opposition avec la jama'a. Intaha kalamu. يقول الحسن البصري رحمه الله هؤلاء يعني الملوك إذا رفضت بهم الهماليج فارس معرب نوع من الدواب إذا رفضت بهم الهماليج ووطئ الناس أعقابهم فإن ظل المعصية في قلوبهم إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستدفع بالتوبة أن نستدفع بالتوبة والدعاء مضرتهم فمن أراد به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالفه. Donc le cheikh il dit que l'imam Hassan al-Basri, un des imams parmi les tabi'in, un des salaf, il a dit ces rois, ces dirigeants, wa in rafadat bihum al-hamalij wa wati an-nas a'qabahum. Donc je comprends pas tellement l'expression, c'est-à-dire si les in rafadat bihum al-hamalij. Est-ce que tu comprends l'expression? Non. وَوَطِيَ النَّاسِ أَعْقَابَهُمْ. Donc si les gens passent sur leur cou, أعقاب, les talons, sur leurs talons, ils pilent sur leurs talons, alors l'humiliation de leur péché, ou l'humiliation de leur péché est dans leur cœur. Excepté que c'est, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, excepté que la vérité nous impose de leur obéir et nous interdit de sortir contre eux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il dit? Le sens de ce que dit Al-Hasan al-Basri. Il est en train d'expliquer que, même si les dirigeants ils font des péchés, la vérité nous impose quand même de leur obéir et nous interdit de sortir contre eux. Et nous a ordonné de repousser le mal de cet individu ou de ce dirigeant par la repentance et l'invocation. Et si on veut du bien, celui qui veut du bien, qu'il s'accroche à cela et qu'il reste fidèle à ça et qu'il agisse selon ça. Donc c'est ça, et qui ne contredisent pas son dirigeant. Donc ça c'est la signification, tandis que l'expression est un petit peu disons bizarre, étrange, mais sinon le sens est clair. Ça c'est dans Adab al-Hasan al-Basri, écrit par l'imam Ibn al-Jawzi. Il dit: وَقَدْ بَيَّنَ الْعَلَّامَ صَدْرُ الدِّينَ السُّلَمِي فِي رِسَالَتِهِ طَاعَةُ السُّلْطَانِ الحكمة من تأكيد الشارع على وجود السمع والطاعة للأئمة في غير معصية وتحذيره الشديد من مخالفة أمرهم كذلك. فقال رحمه الله تعالى: الحكمة من تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية وتحذيره الشديد من مخالفة أمرهم كذلك. فقال رحمه الله: وقد روينا في الأحاديث الصحاح التي بلغت حد التواتر أو كادت أن تبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له ما لو ذكرناه لطال الكلام. لكن اعلم يرشدك الله وإياي إلى الاتباع ولكن اعلم أرشدك الله وإياي إلى الاتباع وجنبنا الزيغ والابتداع أن من القواعد الشرعية أو من قواعد الشريعة المطهرة والملة الحنيفة المحررة أن طاعة الأئمة فرض على كل الرعية وأن طاعة السلطان مقرونة بطاعة الرحمن وأن طاعة السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم أمر المسلمين. Donc on va commencer par traduire ça. C'est une longue citation ici. Il dit que un des ulama qui s'appelle Sadruddin As-Sulami, il dit dans son livre qu'il a écrit qui s'intitule Ta'at al-Sultan, c'est-à-dire l'obéissance aux dirigeants, il dit la sagesse dans ce que il explique que la sagesse dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé dans l'obligation d'écouter et d'obéir les dirigeants en dehors de ce qui est péché, et le fait qu'il a averti de façon sévère contre la contradiction de l'ordre des dirigeants en disant, donc ça c'est la parole de Sadruddin Al-Allama, Sadruddin As-Sulami, il a dit, il a été rapporté dans des hadiths authentiques qui ont atteint le degré de tawatur. C'est quoi le degré de tawatur? C'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qui l'ont rapporté que ce n'est pas possible qu'ils se soient mis d'accord pour mentir sur cette parole-là. Hein? Il y a trop de monde qui l'ont rapporté. Donc c'est ça, had tawatur. Ou, et donc les hadiths authentiques à ce sujet-là ont atteint le degré de tawatur ou presque le degré de tawatur. Et il y a dans ces hadiths-là l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écouter et d'obéir au dirigeant et de lui donner le bon conseil et de l'aimer et d'invoquer Allah pour lui. Hein? Et si on devait mentionner tout ce qui a été rapporté comme hadith à ce sujet, on serait là longtemps. Hein? La parole serait longue. Mais sache que Allah te fasse que Allah t'oriente ainsi que moi-même vers le suivi de la sunna et t'écarte de la déviation et de l'innovation. Il dit, sache que parmi les règles de la charia purifiée, c'est-à-dire la charia qui est pure, et la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion du monothéisme pur, c'est que l'obéissance des dirigeants est une obligation pour la population, pour toute la population. Et que l'obéissance aux dirigeants est reliée à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman. Et que l'obéissance aux dirigeants réunit l'unité de la religion, réunit tous les aspects de la religion et les musulmans, et organise les affaires des musulmans. Wa anna asyan al-sultan yahdimu arkan al-millah, wa anna arfa'u manazil. أرفع منازل السعادة طاعة السلطان وأن طاعة السلطان عصمة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجأ إليها وحرز لمن دخل فيها وبطاعة السلاطين تقام الحدود وتؤدى الفرائض وتحقن الدماء وتؤمن السبل وما أحسن ما قالت العلماء إن طاعة السلطان هدى لمن استضاء بنورها وموئل لمن حافظ عليها. Donc le cheikh il dit que la désobéissance aux dirigeants par contre c'est le contraire, ça détruit les piliers de la religion, et le plus haut degré du bonheur c'est dans l'obéissance du dirigeant. Et dans l'obéissance du dirigeant, il y a également une protection contre toutes les fitnas et un salut contre toutes les ambiguïtés. Et dans l'obéissance au dirigeant, il y a la protection pour celui qui se refuge vers elle. Et il y a une protection pour celui qui rentre dans celle-ci. Et dans l'obéissance au dirigeant, c'est ainsi qu'on peut établir les peines et qu'on peut remplir les obligations et protéger le sang des gens et sécuriser les chemins et les sentiers. Et comme elle est belle la parole des ulama lorsqu'ils disent que l'obéissance aux dirigeants, il y a dans ça une guidance pour celui qui s'illumine par sa lumière, et un refuge pour celui qui la préserve. Et il dit wa innal kharij min ta'ati as-sultan munqati' al-isma wa bari'un min adh-dhimma wa anna ta'ata as-sultan hablullah al-matin wa dinuhu al-qawim wa junnatuhu al-waqiya wa anna al-khuruj minha khuruj min unus at-ta'ah ila wahshat al-ma'siyah wa min asar wa min wa man asarra غش السلطان ذل وزل ومن أخلص له المحبة والنصح حل من الدين والدنيا في أرفع محل سبحان الله. Donc le cheikh il dit que celui qui sort contre l'obéissance du dirigeant, il est coupé de la protection et il est c'est comme s'il s'était désavoué de son engagement. Il s'est désavoué de l'engagement qu'il a pris. Et il dit que dans l'obéissance du dirigeant, il dit l'obéissance du dirigeant c'est le câble d'Allah, le câble solide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est sa religion droite et son bouclier qui le protège. Et que le fait de sortir de cette protection, et de sortir de cette protection, de sortir de cette obéissance. Si tu sors de cette obéissance et de cette protection, eh bien tu t'en vas vers la sauvagerie du péché. Et celui qui persiste à tricher et à trahir son dirigeant, il va être humilié et il va tomber. Tandis que celui qui est sincère envers le dirigeant, il aura l'amour et la sincérité. Et il va sortir de la dunya et dans sa religion au niveau les plus élevés, s'il s'accroche à la sincérité et à l'obéissance. Il dit « وَقَدْ رُوِيْنَا فِي الْأَحَدِثِ الصِّحَاحِ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له ما لو ذكرناه لكان بما حله الناظر وسأمه الخاطر كما تقدم فاقتصرنا على ما أوردناه واكتفينا بما بيناه. Donc c'est ça, il dit que si on avait tout mentionné les hadiths authentiques qui mentionnent l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'écouter et obéir aux dirigeants et de leur donner le bon conseil, de les aimer, de faire des invocations pour eux, donc si on avait mentionné tout ça, ça aurait pris beaucoup de temps. Mais on s'est limité à dire ce qu'on a mentionné comme clarification, donc ça c'est juste pour dire qu'il a résumé le sens de qu'est-ce qu'il mentionnait dans ses hadiths. Ça c'est la fin de la citation de Al-Allama Sadruddin As-Sulami. Il dit wa kullu ma dhakarahu rahimahullah ta'ala haqqun ma dama as-sultan lam ya'mur bi ma'siyatillah ta'ala fa in amara bi ma'siyatillah ta'ala faqad حرمت طاعته في المعصية وفي ذلك مصالح الدين والدنيا لأن ذلك تقديم لطاعة الله الملك الديان وعصيان لأولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Donc le cheikh il dit tout ce que l'imam, le cheikh, il a mentionné dans ce qu'on a lu maintenant dans la citation, dans la dernière citation, il a dit tout ça c'est vrai tant que le dirigeant n'ordonne pas de faire un péché. Et s'il ordonne de faire un péché, bien dans ce cas-là on n'a pas le droit de l'obéir dans ce péché-là. Et tout ça c'est dans l'intérêt de notre bien dans la dunya et dans la religion. Et il dit parce que il y a dans le fait d'agir ainsi une obéissance à Allah, al-Malik al-Dayyan, le roi et celui qui juge et qui demande les comptes, et une désobéissance aux alliés du shaitan. Et certes, la ruse du shaitan est faible. والإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك ونحن نذكر طرفا منها يحصل به المقصود ويتضح به الحق إن شاء الله تعالى. Donc il dit, le consensus a été établi également de la part des gens de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a au sujet de l'obligation d'écouter et d'obéir aux dirigeants, et ça c'est basé sur les textes de la charia qui sont clairs et qui sont en un grand nombre de textes, et nous allons en mentionner une partie pour que yani, les choses se clarifient et que la vérité soit claire. Le point numéro 1, le premier dalil, الدليل الأول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Donc le premier, la première preuve, c'est le verset 59 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire à vos dirigeants. Obéissez à Allah, obéissez aux messagers et obéissez et à vos dirigeants. Obéissez à Allah, obéissez à vos, aux messagers et aux dirigeants parmi vous. Et si vous divergez en quoi que ce soit, alors ramenez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez réellement à Allah et au jour dernier, ce sera pour vous une meilleure, ce sera pour vous quelque chose de meilleur et d'une meilleure conclusion. Donc il dit: قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة يعني يشير إلى قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا تقدم في هذه إلى الرعية فأمر بطاعته عز وجل وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله وطاعة الأمراء على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم. انتهى كلامه. Donc il dit, il mentionne le tafsir de ce verset, et il mentionne les paroles d'Ibn Atiyah qui dit, lorsqu'il a mentionné préalablement les dirigeants dans le verset qui vient avant, il a indiqué dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque Allah a dit, ce qui signifie, Allah certes vous ordonne de remettre les dépôts à ceux à qui ils appartiennent, et lorsque vous jugez entre les hommes, de juger en toute justice, et yani, Allah subhanahu wa ta'ala vous exhorte à une grande chose, à une bonne chose, et Allah subhanahu wa ta'ala est certes audient et voyant. Et il a mentionné par la suite, il a mentionné ceci à propos de la population, et il a ordonné ceci, il a ordonné son obéissant de lui obéir et de mettre en application ses ordres et ses interdictions, et d'obéir à son messager et d'obéir aux dirigeants selon la position de la majorité des savants. Et ça c'est Abu Huraira, Ibn Abbas, Ibn Zayd et d'autres également. Donc l'obligation pour la population d'obéir yani à Allah, de mettre en application ses ordres et ses de s'écarter de ses interdictions, et d'obéir aux messagers et d'obéir aux dirigeants. Et donc ça c'est la position de la majorité des ulama. Il dit wa qawlu an-Nawawi rahimahullah ta'ala al-murad bi ulil amri man awjaba Allah ta'atahu min al-wulat wal-umara wa hadha qawlu al-jamaahir as-salaf wal-khalaf من المفسرين والفقهاء وغيرهم وقيل هم العلماء وقيل هم الأمراء والعلماء. انتهى كلامه. Donc ici l'imam al-Nawawi, il dit qui on veut dire par Ouli l'Amr. On parle de ceux à qui, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné d'obéir parmi les dirigeants. Et ça c'est la position de la majorité des ulama, des salafs et de ceux qui sont venus après parmi les mufassirines et les savants du fiqh et d'autres. Et certains ont dit ce sont les ulama. Certains ont dit que Ouli l'Amr ce sont les ulama. Et d'autres ont dit que ce sont les ulama, les umara, les dirigeants et les ulama et les savants. Donc les dirigeants et les savants. واختلف أهل العلم رحمهم الله في أولي الأمر الذين أمر الله عباده بطاعتهم في هذه الآية. فذهب جماهير أهل العلم كما تقدم إلى أنها في الأمراء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها في أهل العلم والفقه، وقال آخرون هي عامة تشمل الصنفين. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره أولو الأمر وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة، إلى أن قال فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة ذي أمرنا، كان معلوما أن الذين أمر بطاعتهم تعالى ذكره من ذوي أمرنا هم الأئمة، ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس، وإن كان فرضا القبول من كل من أمر بترك معصية الله ودعا إلى طاعة الله، وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تقم حجة وجوبه إلا للأئمة الذين ألزم الله عباده طاعتهم فيما أمروا به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمروه بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية، وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره. انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il dit qu'est-ce qu'on veut dire, il dit les hommes de science ont divergé par rapport à Ouli l'Amr de qui on parle, hein? C'est-à-dire ce sont ceux à qui Allah a ordonné ses serviteurs d'obéir. Dans le verset, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Mais la majorité des savants ont dit, il s'agit des dirigeants. Et certains des hommes de science ont dit, ce sont les savants et les gens qui ont la connaissance de la religion. Et d'autres ont dit, le verset il est général et il comprend les deux catégories, les dirigeants et les savants. Et l'imam Ibn Jarir al-Tabari, il dit dans son tafsir que la plus correcte de ces paroles-là, c'est celle qui dit que ce sont les dirigeants et les responsables, hein, ceux qui sont au pouvoir, à cause des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont authentiques à ce sujet-là et qui ordonnent d'obéir aux dirigeants dans ce qu'ils ont comme obéissance. Et dans ce qu'ils ont comme bien comme bienfait pour les intérêts des musulmans. Jusqu'à ce qu'ils disent plus loin, et c'est quelque chose qui est connu, qu'il n'y a pas d'obligation d'obéir à quelqu'un, il n'y a pas d'obéissance obligatoire à quiconque autre que Allah et son messager ou à un dirigeant juste. Il dit, et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans sa parole, lorsqu'il a dit obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, d'obéir à celui qui détient notre commandement, hein, le commandement sur nous. Et ça, c'est connu que ceux qui détiennent le commandement, hein, qu'on doit obéir, ce sont nos dirigeants, ce sont ceux qui sont nos dirigeants et ceux à qui Allah a donné le pouvoir sur les musulmans, en dehors du reste des hommes. Et donc, si on dit, si on accepterait de dire, par exemple, on supposait qu'on doit obéir à toute personne qui nous ordonne d'abandonner l'obéissance d'Allah, pardon, on doit obéir à, si on supposait qu'on dit, par exemple, supposons qu'on doit obéir à toute personne qui nous ordonne de délaisser la désobéissance d'Allah, ou qui nous appelle à obéir à Allah, ça c'est vrai. Si quelqu'un te dit obéis à Allah, fais la salat, ou arrête de yani, boire de l'alcool, c'est obligatoire de l'obéir, hein, même s'il n'est pas un dirigeant. وأنه لا طاعة تجب لأحد فيما أمر ونهى فيما لم تكن حجة. Donc il n'y a pas d'obéissance qui serait obligatoire, hein, pour quelqu'un dans ce qu'il ordonne ou dans ce qu'il interdit, au sujet de laquelle il n'y a pas une preuve qui serait établie de l'obligation de son obéissance, excepté les dirigeants que Allah a ordonné aux serviteurs d'obéir dans ce qu'ils ordonnent à leur peuple, dans ce qu'il y a un bienfait pour la majorité de la population. Donc, فَإِنَّ عَلَى مَنْ أَمَرُوهُ بِذَلِكَ طَاعَتَهُمْ. Donc, ceux qui ont été ordonnés de leur obéir, doivent donc leur obéir. وَكَذَلِكَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ مَعْصِيَةٌ. Et ils doivent également obéir dans toute chose dans laquelle il n'y a pas un péché ou une désobéissance à Allah. Et donc, si c'est ainsi, eh bien, on sait très bien que la position de ce qu'on a mentionné, que ce sont les dirigeants qui sont concernés dans le verset, eh bien, ça c'est la position correcte que nous avons choisie pour interpréter ce verset-là en dehors des autres interprétations. Donc, l'imam Ibn Jarir al-Tabari, il dit la position correcte de qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport au verset, que ceux qui détiennent le pouvoir ou détiennent le commandement sur nous, ou le l'amr, ce sont les dirigeants et non pas autres que eux. Il dit وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي رحمه الله وقد احتج له بحجة أخرى فقال والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنها في الأمراء. انتهى كلامه. Il dit que le hadith qui est rapporté dans les raisons de la révélation de ce verset-là, c'est une preuve que le verset en question concerne, hein, ou parle des dirigeants. Il dit وَقَدْ سَبَقَ الْجَمِيعُ وَقَدْ سَبَقَ الْجَمِيعُ نعم وقد سبق الجميع إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله وقرره تقريرا حسنا كما نقله الحافظ ابن حجر. قال الشافعي كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة فلما دانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح لغير النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر والحديث والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن جريج قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله ابن حذافة عن ابن قيس ابن قيس بن عدي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. أخبرني يعلى ابن مسلم عن سعيد بن جبير عن النبي عن ابن عباس. ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق يقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون في غير معصية الله، ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله. وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكون معصية. Donc le cheikh explique que l'imam il dit qu'on a mentionné les paroles de l'imam al-Shafi'i qui supporte et confirme cette position là, et elle a été rapportée par al-Hafiz ibn Hajar. Il dit que l'imam al-Shafi'i a dit: ceux parmi les Arabes qui vivaient autour de la Mecque, ils ne connaissaient pas l'imara, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas le fait de se soumettre à un amir. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Et donc, ils ne voulaient pas, yani, obéir aux uns et aux autres dans l'imara. Ils ne voulaient pas avoir un amir sur eux. Parce que les bédouins, les arabes, les bédouins, ils n'étaient pas des gens qui vivaient en tribu, chacun obéissait à leur propre tribu, personne ne voulait avoir un amir qui les réunisse tous. Donc ils étaient un petit peu dans une situation chaotique. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, eh bien ils ont obéi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais les Arabes ont dit: cette obéissance qu'on donne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste à lui. On ne la donnerait pas à quelqu'un d'autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ce verset dans Surat An-Nisa pour leur dire à ces Arabes et à ces Bédouins: obéissez à ceux qui ont l'autorité, qui ont le commandement sur vous. Donc pour les forcer de reconnaître qu'ils doivent obéir à celui qui est au pouvoir sur eux, même si ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est leur chef. Verset 59 dans Surat An-Nisa. Après, il dit, et le hadith que l'imam al-Bayhaqi il a mentionné par rapport à la preuve qui était révélée, au sujet duquel le verset était révélé, c'est le hadith qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim selon Ibn Jurayj, qui dit que lorsqu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'était révélé à propos de Abdullah ibn Huzafa ibn Qais ibn Adi al-Sahmi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé dans une sariya, dans une armée, comme un petit régiment. وأخبرني يعلى ابن مسلم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس. ففي هذه الآية، donc il y a dans ce verset là l'obligation d'écouter, d'obéir à celui qui a le pouvoir, celui qui a le pouvoir sur nous. Et ça, c'est quelque chose qui est absolu et qui a été limité par ce qui a été rapporté dans la Sunna, du fait qu'on doit uniquement obéir à notre dirigeant dans ce qui n'est pas un péché envers Allah. Donc si ton dirigeant il te demande de désobéir à Allah, là il n'y a pas d'obéissance. Il dit: وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ السِّرْ فِي حَدْفِ الْفِعْلِ. Il dit: c'est probablement ça le secret pourquoi on a enlevé le verbe impératif d'obéir devant les dirigeants dans le verset. Parce que le verbe impératif obéissez, il est devant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, et devant le messager, hein, et obéissez au messager, mais devant les dirigeants, on n'a pas répété le verbe obéissez. Et la raison pourquoi le cheikh dit, c'est probablement parce que justement, l'obéissance des dirigeants, elle doit être en accord avec l'obéissance au messager et l'obéissance à Allah. Parce que le messager, lui, il n'ordonne que ce que Allah a ordonné. Quand le messager, il ordonne quelque chose, c'est uniquement ce que Allah a ordonné. Et d'obéir au messager, c'est comme obéir à Allah. Tandis que l'obéissance aux dirigeants, c'est seulement une obéissance. Quand tu obéis aux dirigeants, tu obéis uniquement au messager en obéissant aux dirigeants lorsqu'il n'ordonne pas de faire un péché. Donc, l'obéissance aux dirigeants, elle est conditionnelle. Tandis que l'obéissance à Allah et au messager n'est pas conditionnelle. C'est-à-dire, la condition d'obéir aux dirigeants, c'est qu'il ne te demande pas de faire un péché. نعم وفالير لو دوزيام دليل في ابخي اون فاسارت ان شاء الله. الدليل الثاني اخرج البخاري في صحيحه كتاب الاحكام باب السمع والطاعه للامام ما لم تكن معصيه، ومسلم في صحيحه كتاب الاماره عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقوله فيما أحب وكره أي فيما وافق غرضه أو خالفه. وقال المبارك فوري في شرح الترمذي وفيه أن الإمام إذا أمر بمندوب أو مباح وجب. Donc on va lire le deuxième dalil, c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans le livre Al-Ahkam et dans le chapitre l'écoute et l'obéissance aux dirigeants tant que c'est pas pour un péché. Et il est rapporté également par l'imam Muslim dans son Sahih dans le chapitre de Al-Imara, c'est-à-dire de la dirigeance, de la gouvernance. Et c'est rapporté selon Abdullah ibn Umar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Le musulman doit écouter et obéir à son dirigeant dans ce qu'il aime et dans ce qui lui déplaît, excepté si on lui ordonne de faire un péché, parce que il est ordonné de faire un péché, il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance. Et lorsqu'il dit dans ce qu'il aime et dans ce qui lui déplaît, c'est-à-dire dans ce qui est en accord avec son intérêt ou qu'est-ce qui est contraire à son intérêt. Et il dit que l'imam al-Mubarak Fouri, il dit dans l'explication de Sunan al-Tirmidhi, il y a dans ça la preuve que lorsque le dirigeant ordonne de faire quelque chose qui est recommandé ou quelque chose qui est permis, eh bien ça devient obligatoire. Le dirigeant, s'il nous ordonne de faire quelque chose qui est pas obligatoire, qui est recommandé ou qui est permis, c'est-à-dire c'est pas ni haram ni obligatoire, mais si lui il t'ordonne de le faire, ça devient obligatoire. Et il dit وقال المطهر على هذا الحديث يعني سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام. انتهى كلامه. Donc il dit que la parole de Al-Mutahhar à propos de ce hadith, il dit que ça signifie l'écoute de la parole du dirigeant et son obéissance est obligatoire à tout musulman. Peu importe que son ordre soit en accord avec ton intérêt ou ton tempérament ou que ce ne soit pas en accord. Et il dit à condition que le dirigeant n'ait pas ordonné de faire un péché. Parce que s'il ordonne de faire un péché, il n'est pas permis de lui obéir. Mais il n'est pas permis non plus malgré ça de de faire la guerre aux dirigeants à cause de ce péché-là. Fin de la citation. Et il dit wa qawluhu fala sam'a wa la ta'a yani fima umira bihi min al-ma'siyati faqat wa idha amarahu an yurabi aw yaqtula musliman bighayri haqqin wa nahwa dhalik wajaba an yu'sa amruhu fi dhalik fala yumtathal. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit, et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, et s'il vous ordonne un péché, alors il n'y a pas d'écoute ni d'obéissance, il dit, cela signifie uniquement dans ce qu'il vous a ordonné comme péché. C'est-à-dire que si le dirigeant vous ordonne de faire un péché, il n'y a pas d'écoute et il n'y a pas d'obéissance. C'est pas, il n'y a plus d'écoute et il n'y a plus de désobéissance, jamais. Mais c'est dans ce péché en particulier qu'il vous a ordonné de faire qu'il n'y a pas d'écoute et d'obéissance. Parce qu'il y en a des khawarij, parfois, ils vont prendre le hadith dans le sens que si tu vois le dirigeant qui fait un péché, ça y est, tu l'obéis plus jamais. Et là, tu te révoltes contre lui. Non, le hadith, il ne veut pas dire ça. Il veut dire, dans le péché qu'il t'a ordonné de faire, tu ne l'obéis pas. Et après, tu continues à l'obéir dans le reste. Et donc, s'il dit, le cheikh, il donne même des exemples. Il dit, si par exemple, il t'ordonne de faire du riba, ou il t'ordonne de tuer un musulman injustement. Le dirigeant, il dit, va le tuer, lui. Et lui, c'est un musulman, il n'y a aucune raison de le tuer. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit d'obéir au dirigeant qui t'a ordonné de le faire. Hein? Tu ne dois pas l'obéir dans cet ordre-là parce que c'est un péché. Ok, donc dans ce cas-là, il est obligatoire de désobéir à son ordre. Et il dit, c'est pour ça que le musulman, il doit toujours faire preuve de son jugement et de sa conscience. Même s'il est un soldat, ou même s'il est un policier, ou même s'il travaille pour le dirigeant, ou même si, peu importe qui il est, il doit toujours utiliser sa connaissance de l'islam et sa conscience pour déterminer qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. C'est pas qu'il est un robot, une fois qu'il obéit au dirigeant, tout ce que le dirigeant dit, il va le faire obligatoirement, sans réfléchir. Et il y a un hadith à ce sujet-là, à propos de lorsque des sahabas sont partis avec un régiment, et il y avait un amir sur ce régiment-là, et il leur a dit, entrer dans le feu. Et ils ont refusé de lui obéir. Ils ont dit, on est rentré dans l'islam pour éviter de rentrer dans le feu. Donc comment est-ce qu'on va accepter de rentrer dans le feu? Quand ils sont retournés voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, oh messager d'Allah, je leur ai ordonné de rentrer dans le feu, puis ils ont refusé. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils ont eu raison de ne pas lui obéir parce que c'est de ça qu'ils ont cherché le refuge. Ils sont rentrés dans l'islam pour éviter de rentrer dans le feu. Donc comment ils vont rentrer dans le feu? Donc c'est pour montrer qu'on ne doit pas obéir à un dirigeant ou à un chef ou à un patron ou à quelqu'un s'il nous ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit « فَلَا يُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ » يعني فلا يسمع له مطلقا في كل أوامره بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة. C'est ça. Il ne faut pas comprendre que s'il ordonne de faire un péché, il n'y a plus d'obéissance du tout. Non. C'est juste dans le péché là, dans ce péché là que tu ne dois pas obéir. Mais dans le reste, tu continues à obéir. Il dit وقال حرب في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. انتهى كلامه. Donc il dit dans la parole de l'imam Harb al-Kirmani qu'on a lu tout à l'heure dans sa aqidah qu'il a rapporté de la part de tous les salafs, il dit que si ton dirigeant t'ordonne de désobéir à Allah, hein, il t'ordonne quelque chose dans laquelle il y a une désobéissance à Allah, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit du tout de l'obéir. Tu n'as pas le droit du tout de l'obéir dans ce péché-là. Et, mais par contre, tu n'as pas le droit de te révolter contre lui, ni de lui refuser son droit. Donc on va s'arrêter ici pour la deuxième preuve. On continuera la suite des preuves dans le cours suivant, Inch'Allah, la semaine prochaine. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Allume le micro parce qu'il n'est pas allumé.